palpite à même les nuages, la conscience l'éteint. Une oscillation spatio-temporelle, probablement. Avec ce vent qui épie, racle, tacle, l'idée de surface dont dénonçons l'azur terrestre, ce qui pourrait remettre en question l'empire du à de son et de palpation. Seules les racines des parfums ancrés dans leur texte témoignent d'un mec individuel. Un souvenir de voie lactée clignote. Déterminaison universelle, rail des berceaux civilisés en reliant n'importe comment les étoiles entre elles en une mise à mort des plus méthodiques, dévoilant l'étranglement de toute perception lumineuse émise. Et durant le grondement des cumuls, sa flash, une larme invoque l'orage.